les jours, prépare-le, Seigneur. Prépare-le, Seigneur. Oh oui, nos âmes, l'on nous réjouit et nous serons tous. Voici les jours, prépare-le, Seigneur. Oh oui, nous allons nous. Voici les jours. Oh, voici les jours, prépare-le, Seigneur. Voici les jours, fais par le Seigneur. Oh oui, nous allons nous réjouir et nous serons tout heureux, tout heureux. Oh, voici les jours, fais par le Seigneur. Oh oui, nous allons nous réjouir. Voici les jours, fais par le Seigneur. Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Nous nous approchons de ton trône de grâce, trône de gloire et de miséricorde, avec autant de foi qu'il nous est possible de manifester la foi que toi Dieu te nous a donnée, pour croire en ta personne, pour croire en ta parole, croire en tes promesses, croire en ta puissance, croire à ta présence. Seigneur, tu es infiniment grand. Et ta manière de faire est de loin incomparable. Exceptionnelle. Que les louanges te reviennent à toi, Seigneur. Dieu qui mérite notre adoration. Conduis la réunion de ce soir dans les moments de prédication pour que chacun reçoive la meilleure part et que notre soirée soit un bénéfice réel au plan spirituel, physique et sanitaire et à tous égards, que ce soit un vrai bénéfice. Seigneur, accueille nos prières, reçois nos larmes dans ton outre et apporte-nous les réactions attendues. Nous aimons voir quand Dieu réagit et cela nous rappelle que Dieu nous aime. Et met l'étincelle dans nos cœurs, la flamme de réveil qui convient en ce temps. Ne nous laisse pas nous endormir ni somnoler d'aucune manière, mais laisse-nous être la flamme de réveil pour cette génération. Laisse-nous te refléter, toi Jésus-Christ le meilleur, au nom de Jésus-Christ, qui par ton sang rédempteur coulé à Golgotha, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament d'abord, c'est Malachie chapitre 4. Le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Talangai na kotinde la bino mosakoli Élie aliboso na koyana mokolo monene mpe na somo na Yahweh. Akobongola mitema na batata epai na bana mpe mitema na bana epai na batata na bango eti na ya mpe na beta mokili na ekweli mabeti. Jean au chapitre 17. Yohana mokapo ya zomi na sambo. Le verset 20. Mulongo ya kotanga tukumi bale. A 23. Ilona tukumi bale na misatu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nazali kobonde la bobele pona bango te kasi, pona bango bakondima kangayi, pona maloba na bango eti, nyonso bazala moko mpele moko yo tata ozali kati na ngai pe ngai kati na yo eti, bango mpe bazala kati na biso na ntina eti ba mokili, bandima eti yo otini ngai. Ngai nasili kopesa bango lokumu lopesi yo ngai eti, bazala moko mpele biso tozali moko. Acte des apôtres chapitre 4 verset 32. Misala na bantoma mokapo ya minei mulongatu misatu na mibale. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Ebele na bandimi bazalaki na motema moko, mpe na likanisi moko. Soko moko na bango azwi biloko, atangi yango biloko na ye penza te kasi. Biloko nyonso bizalaki na bango na lisangana. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apambola botangi ya lobanaï. Et veuillez vous asseoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur et le promoteur de l'évangile. L'évangile, c'est ce que nous croyons, dont nous n'avons pas peur, ni honte, parce qu'il est écrit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement et des Grecs ensuite. Bienvenue à cette méditation, qui en fait est la prolongation de ce que nous avons introduit dimanche, sujet de Dieu ramenant le cœur singulier, le cœur des enfants à leur père apostolique, à cette époque ou dans cet âge de l'Odyssée. Na eleko na laudika tozali ndeko landela bobele na kotala ete Nzambe azali kozongisa motema, motema ya bana epai na batata na bango. Il ramène le cœur des enfants à leurs pères apostoliques, à cette époque de l'Odyssée où nous vivons maintenant. Ce sera comme deuxième partie de ce que nous avons vu dimanche. Et dimanche, par la grâce de Dieu, nous avions lu également Malachie 4, versets 5 à 6. Comme texte de base pour la prédication, nous avions lu également Actes chapitre 4 verset 32. Toujours dans le texte de base, et nous avions lu également Colossiens chapitre 2 le verset 1 à 3. Et la manière dont le Seigneur avait conduit la prédication consistait à insister d'abord sur le cœur que devaient avoir ceux de l'Odyssée, avoir un cœur rempli de consolation, quel que soit leur nombre. L'Esprit nous avait conduit à parler un peu de ce qui s'était passé au temps de Noé à sa naissance. Insister ensuite sur la consolation que Dieu donne. Et cette consolation de la donne par les saintes écritures. Et quand le temps arrive pour Dieu d'accomplir les saintes écritures, les croyants bénéficiaires sont consolés. C'est Dieu qui visite son peuple. Donc, nous avons vu par là, au temps du commencement de l'évangile, Dieu accomplissait les anciennes prédictions que lui-même avait formulées. Il n'était l'œuvre d'aucun faux Dieu, d'aucune idole. Et il a demandé à son peuple par Israël, ne la voulez-vous pas? Il prend les gens à témoin. Les événements que vous expérimentez, ce n'est pas du hasard. Moi, j'ai été le premier à les accomplir. Maintenant, je les accomplis. Et je vous annonce encore des choses nouvelles. Pour montrer qu'il est le Dieu de la continuité de sa parole. Il est le garant de la continuité de sa parole. Donc, notre Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé il y a des millénaires avec l'histoire du salut de son peuple. Et sa manière de faire, son modèle, reste le même dans tous les âges. Il annonce des événements dans lesquels il a fixé lui-même les temps et les moments d'accomplissement. Et quand ce temps-là s'accomplit d'après lui, Dieu passe en scène et il visite ses croyants. A compris le promesse. Il a suscité un Noé. Et Noé a apporté la consolation contre les méchancetés, l'épuisement, la désorientation. Vous avez frappé les esprits en ce moment. Dieu a redonné une orientation à son peuple. Et ça, il a détruit tout, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il n'avait sauvegardé qu'un couple de chaque espèce. Et ce que Dieu avait fait. Imaginez. Et ce qui s'est passé en ce temps-là arrivera pareillement à l'avènement de Christ. Personne ne saura la pêche. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes au jour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a de nouveau été manifesté parmi les nations. Par le canal prévu par Dieu, le prophète puissant de Malachie 4. Loin de l'esprit et la puissance d'Élie. Il est déjà venu dans l'âge de l'Odyssée. Il est déjà venu. Il a accompli sa mission. Et l'œuvre de la parole se poursuit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des yeux pour voir, voie. Voyez-là. Et alors, il devait nous ramener à quoi? À ce qu'était le cœur de nos pères apostoliques. Et comment était ce cœur-là? Oui, c'est ce que nous avons essayé de voir vers la fin de la prédication en lisant, en relisant Actes chapitre 4, verset 32. Le verset 32 disait, la multitude de ceux qui avaient cru. Ils étaient nombreux, alors nombreux. Une multitude, c'est le mot. Moulongo a tout mis à ton ami balé, ébélé, bazaké bélé, ébélé na bandini. Et c'était à l'époque apostolique. Ici, à l'époque des pères de la Pentecôte. La Pentecôte venait de couler juste deux chapitres avant, au chapitre 2 d'Actes des Apôtres. Et ici nous lisons deux chapitres plus tard, le chapitre 4. Donc vous tournez seulement la page. Bon, ici dans ma Bible, vous tournez deux fois et vous allez déjà dans les écrits du chapitre 2. Donc, ce sont les événements de la Pentecôte. C'était si proche. Et alors, au commencement de l'Église, Seigneur, voilà ce qu'il y avait. Donc, verset 32 et 33 de l'Église. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et Belena Bandimi Bazalaki, Bobele Namote Mamokompe, Mouela Mako. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mokota Banda Kolobete Miloko Ezalina Yemokopesa. Sincérité. C'est ce qu'était l'église du Seigneur. Et c'est ce qu'elle doit revenir d'être à la fin. N'ayez pas peur de ça. C'est ce qui doit revenir. Parce que le même Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui a promis de la venue bénir les prophètes. C'est le même Saint-Esprit qui a promis de restaurer tout. Il a promis le rétablissement des choses. Dans les toutes choses, n'acceptez pas ça. Dans les toutes choses, incluez ça. L'égoïsme doit être banni. L'égocentrisme dans la vie. Nous devons revenir à l'état de cœur qui était nos pères de la Pentecôte. Et nous avons besoin des hommes qui prêcheront sans sentiment. Sans promis. Cherchez à rondir les angles. Cherchez à quelconque détour. Pour t'évader. Une fuite en avant. La parole vous contraint. Elle dit qu'il en était ici. Nous croyons qu'il doit de nouveau en être ici. Toutes les pensées mauvaises doivent être gardées. Dépouillons-nous de notre vieil homme. Laissons-nous façonner par la parole pour revenir à l'état que nous étions en tant qu'église du Seigneur au commencement. Bien-aimé, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et qui l'âme, ça doit revenir, ça. Et s'il y a une église qui est sommée de le faire, c'est l'église qui croit aux promesses bibliques. Et si vous n'en êtes pas une, je serai désolé. Ce que nous travaillons en bas, vous devez être une de ces églises qui croient aux promesses bibliques. Pour manifester le retour à cette chose. Porter les fruits conformes à ça. Tant qu'il y aura des vraies nouvelles naissances, tant qu'il y aura le vrai baptême du Saint-Esprit, ce que nous lisons ici n'est pas impossible. Mais si les soi-disant Saint-Esprit que les gens d'aujourd'hui reçoivent, est différent de celui que le Père de la Pentecôte avait reçu. Alors, on pourra comprendre les divergences de comportement. L'individualisme, si il faut vraiment même prêter l'argent, mais tout est quantifié. Tout est quantifié. C'est calculé. Il y a un intérêt. Attends, il faut midi pour la raison qui sera 18h. Intérêt, il faut ça. Seigneur, c'est l'esprit qui nous voit. Pensez être la première ville du monde. Jérusalem n'était pas une ville. Jérusalem est une des plus vieilles villes du monde d'ailleurs. Mais c'est là, en pleine ville Jérusalem. La capitale du plus beau des pays de la terre. Le pays d'Israël. Dans Ézéchiel, dans les prophéties d'Ézéchiel, le pays d'Israël est appelé le plus beau des pays. La ville du grand roi. Et s'appelle Jérusalem. Et bien Jérusalem. En hébreu, Jérusalem. C'est-à-dire la ville de paix. Jérusalem. La ville de paix. Jérusalem. Jérusalem. La ville de paix. Et c'est la ville du grand roi. Et le grand roi, c'est Dieu. Jésus a dit, c'est dans Matthieu chapitre 5 là, il a dit, tu ne vas pas jurer par l'autel de Dieu, tu ne vas pas jurer non plus par Jérusalem, que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Le Seigneur lui-même a appelé ça ville. Et dans cette ville-là a vécu un peuple constitué de nos pères apostoliques ou de nos pères de la Pentecôte. Aussi nombreux qu'ils ont été à cette époque, dans cette grande ville-là, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Qui voit cette vérité? J'aimerais voir celui qui voit cette vérité. Seigneur, je n'avais pas pensé à ça. C'est si profond et réel. Ils étaient des citadins comme nous le voyons. Citadins. Habitant la ville du grand roi. Jérusalem, pas un village, mais une ville. Et jusqu'à ce jour, il est une ville. Il est là-bas au pays d'Israël. Dans l'État hébreu. Et Jésus a dit, c'est la ville du grand roi. Il l'a appelé ville. Capitale du plus beau des pays. Capitale du plus beau des pays de la terre. Le plus beau des pays. Et c'est aussi appelé le pays de l'éternel. Qui dit amen? Non seulement la ville, c'est la ville du grand roi. Et la ville dont cette ville. En fait, le pays dont cette ville est la capitale, c'est aussi appelé le pays de l'éternel. Selon la Bible. Ce n'est pas le territoire de la RDC. Des faux pasteurs qui disent des mensonges aux gens. Et Mais la Bible ne dit pas que la RDC, c'est le pays de l'éternel. Et si comme on contient la Bible, il y a tous les pays de la terre, Dieu a choisi le pays d'Israël. C'est toutes les villes de la terre, Dieu a choisi la ville de Jérusalem. C'est ça la Bible. Le reste, ce sont des illusions des gens. Des illusions. Ma banzo. Pitié. Bah ouais. Maintenant, c'était une ville Jérusalem. Et là, ont vécu des croyants. C'est vrai. Bongo. Et ils étaient un seul cœur. Salaki motema, obelemoko. Pas seulement un seul cœur, mais une seule âme. Une même âme. Mais ils étaient une multitude. Alors, vous n'allez pas prendre votre caractère citadin de Kinoa. Vous êtes allé là yo ya mvangi na ngumba ya mala kisasa. Hein? Pour dire nous sommes dans la ville. Voyez vous cela. Comment qui va faire ça? Ça c'est bien connu son, n'a pas ça là-bas. Nos maisons d'abord sont clôturées. Ça veut dire chacun chez soi. Mais je répète, l'Éden, il n'y avait pas de clôture. Tous les arbres vivaient en commun. Vrai ou faux? Y avait-il des clôtures au jardin d'Éden? Quand l'homme a péché, il s'est mis à fuir là. Avez-vous appris qu'il a sauté un mur? Quand Dieu venait le chercher, il a escaladé un mur, puis il s'est caché derrière les arbres. Il voit la colonne de feu venir. Il voit l'arbre comme ça. Il se cache comme ça. Mais Dieu le voyait. Attends, où es-tu? Adam, il se cache, mais Dieu le voit. Aujourd'hui, on a des murs géants. Les lobbies chacun chez lui. Comme pour dire, la vie privée se porte bien. Mais chacun pour soi, c'est la règle. Mais quand vous êtes dans les villages, qui ne sont pas des villes, peu de parcelles sont clôturées. Avec l'état d'esprit des gens dans les villages, ils sont comme prédisposés à vivre ensemble. Moi je me souviens, à un âge j'étais dans un village, je vivais là-bas. Et nous ne mangeons pas au salon. Nous mangeons dehors. Tous les arbres, si quelqu'un va manger au salon, on les traite d'un égoïste. D'abord, les parcelles n'étaient pas clôturées. Quand il est midi ou quoi, on prend le repas, on le met là-bas, au centre de la parcelle. La route est là, il est très bien. Alors j'ai dit, bon appétit. Nous à table, on fait une pause. Dis, merci pareillement. Il a aussi faim. Il vient. On l'invite. Il lave aussi les mains. Il s'assoit. Il mange. Ce n'était pas des chrétiens. Des villageois. Non pas dans un autre pays. Je parle de la RDC. Mais si on a pu faire ces choses dans ce pays. Repas et tout ça. Et les chapates, vous les servez. Il ne se gêne pas. Il peut venir aussi manger. Il mange. Des fois même, il termine. Tout ce que vous aviez, vous restez. Il mange plus vite que vous. Il avait invité. Et à un moment donné, vous devez compléter avec un gros verre d'eau. Vous trouvez qu'il y a l'espace qui est resté dans l'estomac, ou ce qui n'a pas été occupé par les repas. Bon, prenez un gros verre d'eau, ajoutez, la journée passe. Et il est à l'aise comme ça. Il y avait moins de voleurs. Vous comprenez? Peu de bandits en armée. Quand il y a un bandit qui vient, tout le monde décrit et on l'attrape. On brûlait les mains, on pouvait brûler le voleur vite. Et ce qui m'a dit, je ne sais pas. Où que ne voyez pas pour la nini? Si tu as faim, on est caca, ce que tombe la gamba, vous allez chanter la base. Si tu as le guin, c'est là, on ne peut pas occuper. Bon appétit à toi. Pareillement. Vivre correctement, savoir vivre. Et je me souviens d'un voleur qu'on avait attrapé. Un grand voleur qui ne se corrigeait pas. On l'a mis sous les cracas comme ça. Et les cracas ont tellement traîné sur ce coude-là. Et déchiré tous les murs sur la peau. Cela a fait du puits. Il criait comme ça, toujours ligoté. On l'amenait maintenant le présenter devant les gens pour être la risée de tout le monde. Mais ici, nous, voler n'est pas bon. On fait juste ça à la télévision, ça s'arrête là. Mais on attend des remèdes, des initiatives pour stopper le vol. Au fait, tous ces autres-là deviennent des bandits, ils commencent à vous ravir les téléphones, quoi. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un grand écart entre ce qu'eux ont et ce que vous avez. Mais vous vous cachez avec vos choses dans vos parcelles clôturées. Quand on vous surprend sur la route avec, on vous confisque ces téléphones. Bah, on y sera pas connu. Vous avez votre échec, au bas, t'as marqué, on a clôturé, ton moni, on a balabal, la couluna, à t'y m'a beaucoup, il n'est pas se servir. On a besoin de savoir équilibre dans la société. Le colo boke sene ya moni ke bino bazale na mingi bango bazana ile côté là ba kozela ka bino bobele na balabala ubi bobi na nda kusoko bini ça c'est pas seulement ici eza bobele ya wate mais il fit un temps en Afrique du Sud c'était la même chose Djobo là-bas était atana Afrique rangele ko surtout la grande zone où il y a les Zulu d'Inkatha était na ifika o ba Zulu bazalaka vous passez là-bas et que vous ne connaissez pas. Je vous interpelle tout bonnement. Give me my phone. Pesangai téléphone wana yangai. Pesangai téléphone yangai. Et comme il y a yo, donc pesangai téléphone yangai. Vous résistez, tu peux rester cadavre là-dedans. Et d'après les statistiques à un moment donné, n'oubliez pas Radio France Internationale. Dans les années 94, je crois, les études statistiques étaient faites là-bas. Quand on a réparti le nombre de femmes qui étaient violées, ils ont dit, toutes les 30 minutes en moyenne, une femme était violée en Afrique du Sud. Ils ont fait beaucoup d'évolutions. Après la chute de l'apartheid, bien sûr. Mais il semble bien que la RDC est devenue maintenant la capitale du viol. Donc vous semblez raconter là-bas en Afrique du Sud. Oui, banda que vous allez être en Afrique du Sud. Transposé en RDC. Et comme il peut avoir. Surtout avec les violences interminables à l'est du pays. Ningi na ibimeli na tango mboka. Les femmes sont violées. Basi bazar kobe di savakuna. Les hommes sont tués. Bambal ba kobe mabamu. Il y a des veuves fabriquées à volonté. Été bakufeli mibali bazali na kanza la méchanceté de nos semblables. Bobele na kanza ya bazalali. Les violences appellent les violences. Été kanza ezali kobe nga kanza. C'est là parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous sommes au point de bolingo, exacte. Mais nos pères de la Pentecôte. Ça c'est batata na disa na kisela na moni. Avaient reçu l'amour dans leur cœur. Yambati na bolingo kate na kisela na bango. Par le Saint-Esprit que Dieu leur avait donné. Nanzela na moni mosanto nzambe apesaki. Et au temps de la fin. Et na tango na. Dieu a promis le rétablissement de toute forme. À la qui consomme disa mona bilo. Le même Saint-Esprit s'est redonné aux gens. Et moni mosanto moko moko na pesa na bango. L'amour divin reviendra dans le cœur. Et bolingo nzambe. Le même charme de vie se reproduit. Qui dit amen à la vérité. Mes chers amis, Dieu ne faillit jamais. L'homme a quoi s'amagaté. Faites confiance à lui. Notre monde se meurt et se détruit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Recevez le Saint-Esprit et vous n'aurez pas de calcul à faire. Vous avez plainte à formuler, de l'église à répéter. Dieu réglera tout. Il est capable de régler tous vos problèmes. Il en détient la solution. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et c'est ce cœur-là qui doit être ramené. C'est vers ce cœur-là que nous devons revenir au temps de la fin. Un cœur unique. Gloire soit rendue à Dieu. Nul ne dit que c'est bien lui appartenant propre. Mais tout était commun entre eux. D'où viendraient les voleurs, d'où viendraient les cambrioleurs? Tout est commun. L'escroquerie va sortir d'où? L'extorsion, le ravissement, la jalousie, l'envie, ça viendrait d'où? Parce que tout est commun. Tu veux utiliser, utilise. Il vivait comme ça. Il n'y avait pas de complexe parmi eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres, nos pères apostoliques. Hein? une grande grâce reposait sur eux tous. Mais ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Force du Saint-Esprit. Il est une réalité du Saint-Esprit. Il n'est pas une fiction. Le Saint-Esprit est réel. Jusqu'à présent, il est réel. Tout le temps, il est réel. Et il donne la force aux croyants. Force à ses paroles. Force à ses prières. Force à ses témoignages. Force à ses actions. Il donne de la force à ses paroles. Le Saint-Esprit. Et Dieu a promis qu'il en soit ici. Avant qu'il ne puisse atteindre cet état très agréable devant Dieu, Dieu est indiscutable. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, nous voyons ce qu'ils étaient. Les mêmes pères de la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit ne soit donné, quel état d'esprit ils étaient? Acte chapitre 1, verset 12. À 14. Il est dit. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. C'est de Jérusalem que nous parlons et c'est là où ils ont vécu. Nos pères de la Pentecôte. Ok. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Mosika lokola mobembo na mokolo na sabata. Isili bango kozonga na mboka. Babutaki na ndako na mokili na likolo kuna ezalaki bango kolala. Bazalaki baoyo. Petelo na Yohana na Yakobo na Andelea na Filipo na Toma na Balatelemia na Matai na Yakobo mwana na Alafai na Simona Musalaote na Yuda mwana na Yakobo. Tous d'un commun accord. Voilà. Baoyo soba umeli na motema moko. À cette époque-là, avant que le Saint-Esprit leur soit donné, il n'était pas encore un seul cœur. Mais ils étaient d'un seul accord. Parce que Amos 3, verset 3 nous dit que deux personnes, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Ils doivent se mettre d'accord. Même s'ils n'ont pas de cœur, un cœur unique, mais ils peuvent se mettre d'accord autour des principes, autour des idéaux. Na bongo atana nubaza na matema mokote kasi na ntina na likambo songolo tobo yoka ni mokobo yeba kukina nukoyokana. Tous d'akomanako persévérer dans la prière. Ils se sont accordés au sujet de la prière à faire ensemble, à faire tout ce temps là. Yete bango nyonso na boyoka ni ba mibesaki na mabonde ni na bongo ba yoka na kete na tamu nyonso bazali elongo babonde la nde. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Na basi lokola, na malia mama na Yesu, na bande konaye, ni bali. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 100 pains. Na tambo yango, Petero atelemi na kati na bandeko. Voyez-vous ça? Ils étaient tous d'un commun accord. Au sujet de la prière, il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait pas d'excuse à présenter. Tous d'accord pour la prière. Pendant tous ces jours-là, et tels qu'ils se réunissaient, ils étaient à 120. Dans Acte 4, verset 32, ils étaient déjà plus que 120. Regardez ce qui s'est passé à partir du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Dans Acte 2, ceux qui ont cru, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole quand Pierre a prêché furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000. Na bongo bango bayambi Matthieu na ye babatisa maki. Mpena mukolo yango bato soki koto misatu babatisa mina bango. Koto misatu. 3000 âmes. De 120 à 3000. Non, mukama tukimbale kiro na koto misatu. Gloire au Dieu de la Pentecôte. Tembo na Nzambe na kitera na mulimo. Que le Saint-Esprit est réel. Zalpo na tamuli mo santu. Il peut convertir le cœur en grand nombre. Il est capable de le faire. Et au verset 47, vous le savez. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mokolo na mokolo na mutuya na bango. Le Saint-Esprit est une réalité. Mulimo santu azandeli kambona solo. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Bati ya mulimo santu ezali kambona solo. Dieu peut faire rentrer les gens dans le corps de Christ chaque jour. Zambe peko du mokota bato kati na nzoto na Christo mokolo na mokolo. Il l'a déjà fait. Il à cette époque de la Odyssée, où il a promis le rétablissement de toutes choses. Dieu peut le faire. Mais quand nous allons ici au chapitre 4, oh, mes chers amis, c'est Dieu, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Non, allons, acte chapitre 5. Au verset 14. Non, à partir du verset 12 à 14, c'est mieux. C'est une partie qu'on avait évoquée ici. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Écoutez, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Dieu a déjà produit un tel peuple, Dieu peut restaurer un tel peuple. Parmi lequel des prodiges et des miracles extraordinaires se produisent. La restauration que Dieu a promise est une réalité. Qu'il y ait la foi dans nos cœurs. Pour réclamer les mêmes choses, il ajoute, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre. Nombre de ce qui a augmenté de plus en plus. C'est ainsi. Ce n'est pas impossible maintenant. Quand Branham a tenu les réunions de réveil, pendant les deux semaines, les deux premières semaines du mois de juin 1933, Poso oyo mibale yakoba na mana sanza ya motoba ya mubu ya kota mokonka mali botu misato na misato. Comme il en parle lui-même, non, dans les empreintes du pas, footprint. Et le kolemo kozel kolobela kango na bitam na nango oyo ya matambe. Les empreintes de pas. Nous avons vu que le nombre de ceux qui s'intéressaient, qui participaient aux réunions, augmentait de jour en jour. Au début là, il n'y avait presque pas de gens. Mais chaque jour, les gens s'ajoutaient. Et quand il fallait aller baptiser, plus de 300 personnes devaient être baptisées. Et quand vous regardez le nombre de témoins à côté, c'était des milliers de gens. Un signe qui montre que Dieu peut restaurer. Et les mots, ils ont cette zambe à Koki Gozong. Il peut ramener les conditions du commencement. À Koki Gozong, ça l'olenge et ça l'a créé. À l'époque où il a commencé sa propre église. Tango ya bandake kelese na yebo. Le Dieu des apôtres, c'est le Dieu de Branham. Et cette zambe na bantoma, azali zambe na Branham. Dis amen. Nani alobie tezali bongo. Nous avançons de la même manière. Nous allons Koko Bobo Bele na l'olenga bantoma. Quand nous allons tenir la campagne là-bas. Tango tu kene kiko sala milulu kunana. Avez-vous vu comment ça s'était passé? 2010 et puis 2011. Il y avait de la volonté de Dieu dedans. Dieu a appelé les gens. Et ils ont été baptisés. Est-ce pas vrai? Ça a progressé comme ça. Dieu est capable d'ajouter de nouveaux croyants. Non seulement dans le nombre que vous pouvez compter avec vos yeux, mais il en ajoute aussi au corps mystique de Christ, en remplissant du Saint-Esprit chaque jour. Une personne de plus, deux personnes de plus, Dieu peut le faire. Mais il faut que nos cœurs soient en état. Quand nous venons nous rassembler, sommes-nous dans le même état d'esprit que ceux de la Pentecôte? D'un commun accord. Où il y a plein de désaccords dans nos cœurs. Des désaccords tellement graves parfois qu'il y en a qui, malgré l'église, malgré l'évangile prêché, sont incapables de serrer la main à son frère à l'église. Il faut tout éviter. Ça, non pas un jour, mais pendant des mois et même des années. Yo na mukolo mokote nzokande ba sans ata mubu ete na mitema bokaboni. Nosambo esili ye abimili boso pe ta pesa ta. Ah, ça m'a coquillé à copier ce moninga mbote na loboko. Et puis vous dites mais zamba ko lobaki a kozo kisa bakabuno sume. Dis tout le monde n'en rien. Si vous êtes toi abo yesen esprit ngo yile compte ko tina miso ba. Vous êtes inconscient. O miye bina na malamote. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Ceux du temps de la Pentecôte, avant même que lui les Saint-Esprit ne viennent, ils étaient d'abord réunis dans ce rapport. Il n'y avait ni zizanie ni bizarrerie entre les membres là-bas. Personne ne toisait personne. Personne ne critiquait son frère. Mais tous étaient disposés à se soutenir. Dieu a vu cet esprit. Et il a agréé dans l'eau. Et il a répandu le Saint-Esprit dans l'eau. Il était ma mère et votre mère m'a sans doute. Amen. Tout ce qui a mis en ma mère. Prenons conscience, mes chers frères. Comment autant d'années dans son message, on a encore des faits résultats. Il y a encore des confrontations à faire entre les membres de l'église. Parce qu'un avait fait le commérage, l'autre avait raconté des choses là-bas. Mais c'est quoi ça? Est-ce que ça n'a pas tout? Basta Moukan, on colloquera l'église ensemble pour te donner les sauter. Ton fan de la caca même va passer ce wana, va bouger ce wana, d'année en année. Mibou, nasi, mana, mibou. Voyez frère, nous sommes responsables. C'est la condition dans laquelle l'église se retrouve. Avouez-les! La parole du Seigneur est irréprochable. Nous nous la prêchons avec amour. Avec rigueur et sérieux. Vous les prêchez. Mais où sont les résultats? Voilà le problème. Elle ne trouva pas de la foi. Il est problème, c'est Baïbazo Yogam. Quatre catégories. Mitema Mabanga. Mitema Zoubé. Mitema Zela Zela. Non, Mitema Malam. Quatre catégories que le Seigneur va dire. Les gens reçoivent la parole dans la bonne terre. Un frère va produire sans fruit. Ayokika mouke, mettant la qualité de Azomini. Mais monsieur Souba, yoka ke belé, mettant le résultat. Médiocre. Le côté pesa. Ma bé. On dirait non, non, yoka te le côté. Mais le bon cœur, il entend un peu. Et il reproduit ça beaucoup. Mais le mauvais cœur peut entendre accumuler beaucoup. Jusqu'à faire de l'évangile un jouet. Et le Donc, vous n'avez pas quelque chose à lui reprocher. Vous avez vous voulez commencer, il sait comment vous attraper pour vous faire taire. Arrogant. Dédaignant. Quelles conditions spirituelles. Il est temps de vérifier quel genre de fruit notre vie spirituelle produit-elle. Sommes-nous en bas ou en haut? Sommes-nous devant ou en arrière? En avance ou en retard? Chacun doit s'examiner. Par rapport à ce que Dieu t'a donné. Que Dieu nous aide chaque jour. À devenir meilleur. Que nous venons par l'église pour devenir pire. Nous venons chercher la perfection. Devenir meilleur. Non pas reculer, non pas rétrograder, non pas rétrograder, mais monter de niveau. Vous aimez ça? Et Dieu est capable de le faire. Mais le nombre de ceux qui croyaient, hommes et femmes, pas seulement les rangées de frères qui se complissent trop et les sœurs. Ils ont diminué. Ou les rangées de serres, ils ont gonflé, et pas ma frère, Mickey, parce que Ramouké. Non. Et hommes et femmes du rabbin. Et il est le même Dieu jusqu'à présent. Il ne fait point de favoriser. Vous voyez l'état de cœur? L'état de cœur. Et frère Brunham avait ce souci de voir le cœur être dans l'unité. Je reviens sur une situation qu'on a lu ici il n'y a pas longtemps. Nous parlions du temps des Éphésiens. Le temps dans lequel nous sommes, c'est l'ordre des Éphésiens, l'ordre de Dieu pour les Éphésiens. Nous conduisons l'Église au pays des promesses. Nous devons prêcher l'Évangile jusqu'à la venue du Seigneur. Et Christ viendra trouver une Église prête. Laissez-nous la tailler. Laissez-nous la façonner par la parole. Quelle est la meilleure forme que Dieu vous a? Dans les sermons de ce moment, vous rappelez, prêchez le 15 avril 1961, nous avions lu le paragraphe 18. Tout ce que j'ai désiré être, quand j'ai vu l'assemblée, l'église de Dieu, les pèlerins et différents groupes, j'aurais voulu être sur le point de dire ce matin comme Siméon. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Quand ça? Après les avoir vus d'un seul cœur. Et bien unis. Frère Branham, avec la mission que Dieu lui avait donnée. Et qu'il a vu ça dans les assemblées de Dieu. Voir ça dans l'église. Des frères, croyez-vous, sœurs, hommes et femmes, réunis d'un commun accord. Étant dans l'état d'un seul cœur. Alors, il était le point de dire comme Siméon d'autre. Pour lui, ces gestes-là, ce signe était un signe prophétique important. Qu'il fallait surveiller pour dire si oui ou non, il peut atteindre sa mission. De ramener le cœur des enfants à leur père. Des croyants du temps de la fin. Reproduire l'état d'un commun accord. Et d'un seul cœur. Et bien uni. Quand il a vu ça, il était sur le point de dire, est-ce que vous comprenez? Mission accomplie. Quelle mission? La mission de l'Élie qui doit ramener le cœur des enfants à celui de leur père apostolique. Et ici, en 1961, ce n'était pas encore revenu. Mais Dieu lui permet, il enlève un peu le voile, lui permet de voir ça parmi les croyants quelque part. Est-il possible d'être dans cet accord? Et de devenir un seul cœur au 20e siècle, 21e siècle. Est-ce que dans cet âge, ça s'est déjà produit? C'est là que je vous dis que si vous n'êtes pas une des églises croyantes de promesse, je serai désolé. Vous risquez de tout réduire à l'état de ce que nous sommes ici, pensant que c'est ce que l'église universelle devant Dieu. Faites attention que vous ne devenez des retardataires. Pendant que nos frères qui croient cela nous fassent quelque part, sont très en avance. En matière d'un commun accord, et d'un seul cœur. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Faites attention. Ne rêvez pas. Dieu n'est pas que le Dieu de cette église. Il est le Dieu des chrétiens dans le monde entier. Si vous faites des caprices, Dieu ne va pas s'arrêter. Il fera avancer ceux qui aiment progresser. Et vous restez dans vos histoires. Dans vos histoires. Dans des ministères. Dans des histoires. Et pendant ce temps, l'église universelle dans son ensemble avance. Vous attendez les jours où le tabernacle chrétien deviendra un seul cœur. Et pendant ce temps, d'autres croyants ailleurs sont déjà d'un seul cœur. Vous alors, si tu es sincère et que tu entends ça, tu prieras disant, Seigneur, ne me laisse jamais déphaser. Ne me laisse jamais déconnecter par rapport à ton programme. Et l'évolution de ton programme. Mets-moi à jour, Seigneur. Mets-moi au bon niveau. Avec l'ensemble des élus. N'ayez pas un esprit de clan, un esprit de groupe tout borné autour de toi. Dieu n'est pas que le Dieu de votre groupe. Il est le Dieu des chrétiens dans le monde entier. Si vous commencez à somnoler et jouer, dites-moi qu'il y a des croyants quelque part qui progressent sans cesse. Et quand le temps sera là, les églises qui seront prêtes entreront. Bah, et quelles sont comme ils ont mal à penser que quoi? Les celles qui seront encore dans des histoires de la vie. Dieu vous aura donné les mêmes chances. Il vous a donné le même message. Il vous a donné des ministères confirmés. Il vous n'avez pas produit les fruits attendus, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est chez vous qui avez entendu la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle n'a pas trouvé de la foi chez vous. Que vous vous êtes disqualifié. Pendant que lui voulait bien vous aider. Vous êtes disqualifié. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Il s'est produit non même pas dans les assemblées du message. Parce qu'à l'époque de Frère Branham, elle n'était pas encore nombreuse. Je l'ai dit, c'est la première partie que j'ai lue. Tout ce que je désirais être. Quand j'ai vu l'assemblée, l'église de Dieu, les pèlerins et différents groupes. Est-ce qu'on a cité des tabernacles ici? Dieu permet que Frère Branham voie ça là-bas autour de nous. J'aurais voulu être sur le point de dire ce matin comme Siméon. Après les avoir vus d'un seul cœur. Et bien commun accord. Bien uni. Il a vu ça. Non pas à Jérusalem. Mais ici dans nos villes païennes. Parmi les nations. Une telle chose au milieu de ceux qui confessent la chrétienté. Tout ce que lui a voulu être. Notre précieux frère Bonhomme. Quand il a vu ça, tout ce qu'il avait voulu être. Mais c'est ça la chose pour laquelle je me battais. C'est de voir ce seul cœur revenir. C'est de voir s'établir ce commun accord. Cet amour franc et sincère dans le volume. Il est uni tellement qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'histoire entre les membres. Il n'y a rien du tout. La seule force qui règne, c'est l'amour. La seule chose qui les anime, c'est d'aimer. Pas autre chose. Rien que l'amour. Non pas des réclamations, des revendications, des reproches célulaires, aimez les autres, aimez les enfants, non! Bon côté! Aimez les gens! Amen. Montrez-leur que vous avez Dieu, le Dieu vivant. Que vous avez Dieu, Dieu qui est amour. Que votre vie soit cet amour transmis. C'est tout ce que Frère Branham voulait être. Et si ceci pouvait se réaliser dans les assemblées du message, qui ont cru son message, qui ont cru la promesse pour le temps, et dirait Frère Branham, c'est déjà dehors, il a vu ça. C'est le pèlerin. L'église de Dieu, les pèlerins, le pèlerin de la sainte et les différents groupes. D'un seul cœur. Et d'un commun accord. Il dit, comme Siméon, laisse ton serviteur se marier. Siméon a dit à dire ça. Il a eu à dire ça quand il a vu l'accomplissement de tout ce qui lui restait de vivre. Amen. D'expérimenter. Zokande Siméon a kala. Aloba ki maloba oyo na tango monaki. Dans Luc chapitre 2, vous vous rappelez de la prophétie de Siméon. Sermon prêché au début de 2020. Il a été interrompu suite à la survenue du coronavirus. On ne pouvait plus se réunir. Là, il fallait maintenant, nous devions nous gérer selon les réalités qui s'imposaient à nous. On ne peut pas continuer un thème commun comme ça pour un groupe ici qui est rassemblé autour du pasteur. La prophétie de Siméon. N'est-ce pas? Là, dans Luc chapitre 2. Siméon, le Seigneur lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il ne connaissait pas où serait ce Messie. Quel visage aurait-il? De quelle famille sortirait? Il descendrait directement du ciel. Mais Dieu lui avait simplement dit qu'il ne mourra pas. Malgré qu'il était vieux. Avant, mais il gardait la promesse. Il savait que la mort ne pouvait rien. Jusqu'à ce que ses yeux voyaient le Christ de l'Israël. Le Messie tant promis par autant de prophètes, pendant autant de siècles et d'années. Il a été divinement conduit au temple. Et juste au moment où on venait pour présenter l'enfant au Seigneur, il s'est faufilé dans les rangs comme on l'avait vu ici. Il attendait les bras à Marie qui tenait le bébé. Avant que le sacrificateur ne fasse quoi que ce soit. C'est un homme choisi par Dieu qui dédicace l'enfant. Pas un prêtre formaliste. Alors il a prié. Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller. Car mes yeux, salut que tu as préparé d'avant. Et lumière pour Israël ton père. Gloire pour les nations. Mes yeux ont vu. Le signe donné. C'est accompli. Et le mot Pesamaki et Kokisamaki. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire sur lui? Laisse ton serviteur maintenant. Mission accomplie. Frère Branham dit qu'il était sur le point. Il n'avait pas dit qu'il a dit comme ça. Mais il était sur le point de dire. Alingaki de Koloba. Mais nous sommes en 1961. Les n'étaient pas encore prêts. Les assemblées du message pas encore constituées. Mais c'est dans ce temps-là. Donc la promotion serait maintenant pour, au groupe de prières pèlerins de la sainteté. Les tralala là. Maintenant qu'ils devront aller dans l'enlèvement. Ils allaient les Amen. Zamba Kangaki. Alinga Kialoba. Fait ça caca, moi impression, il y a eu wana, suga wana, mais kolobanante, parce qu'il y avait encore des choses que Dieu voulait faire. Parce que nous, nous devions venir. Et le tabernacle chrétien aussi devait naître. Mais en 1961, vous êtes encore là. Cheikh en blanc, va payer ça là-bas. Un groupe Wana va assembler, va pèlerin de ceci. Et puis Bissot, c'est quoi Bissot? Non, nous devions venir. Dieu nous avait vu. Dieu nous connaissait. Alléluia. Le même Dieu qui m'a dit en 1994, hein, j'ai été suscité à dessein. Quand il dit à dessein là, c'était qu'il me connaissait avant que le monde ne soit. Il me connaissait dans son plan. Il me connaissait pour le travail qu'il m'a confié. Par la grâce de Dieu, je sais que je suis son élu. Indexé, haï, détesté, sa nuit. Lui qui descendit à Golgotha avait versé son sang pour mon âme. Et lui a dit qu'il m'a suscité à dessein. Maintenant quelqu'un devient jaloux à cause de ça. Caca frère David, allez lui dire suscité. Vous savez ce que ça veut dire, mais vous cherchez maintenant à combattre. Oh non. Si ça veut dire ça, nous ne sommes pas d'accord avec lui, donc ça voudra dire que nous nous sommes les perdus. Non. Il a tort. Elle ne peut pas lui dire ça à lui. Il ne va dire ça à qui alors? Miséricorde, que Dieu nous aide. Comme des fois nous regardons la réalité en face et nous commençons à chercher des échappatoires. Mais Dieu est bon. Il veut vous aider. Il veut vous secourir. Il veut vous sauver. Il veut que tous parviennent à la repentance. À la connaissance de la vérité. Nous aimons. Nous aimons. Ah, c'est pas un problème de faire des débats. Et ça, parce que les débats ne convertissent pas les cœurs. Ça chauffe seulement les têtes pour rien. Oh, il m'a dit, quand il avait dit là-bas, moi je l'avais dit, la parole n'est pas donnée pour être discutée. Soit vous croyez, soit vous êtes incrédule. Montrez votre couleur. Quand vous êtes. Vous ne faut pas tourner autour du bol. J'aurais voulu être sur le point de dire ce matin. Continuons. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Na linda ki ne koloba. Après les avoir vus d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Bien unis. Et si Satan vous maintient dans un état où vous tirez sans cesse les uns sur les autres. Ce qui Satan a terminé dans le lit, Ben David qui est à la carte de Nabino. Lui n'a pas du tout attiré. Il y a cause à la natango et cause à la lissue sur le cas de Nabino. Vous voyez? Vous ne faites que vous critiquez. Vous voyez? Écoutez. Quand je verrai cette glorieuse église de Dieu qui est rachetée s'unir comme une grande unité, je fermerai alors ma Bible. J'ai terminé ma mission. J'ai achevé ma course. J'ai atteint mon but. Je l'ai ramené au cœur d'Actes 4, verset 32. Amen. Mission confiée à l'Élie de Malachie 4, verset 6, deuxième partie. Et Moussalaoué Pesami, na Elioé à Malachie Mokapouaminei, Moulongo. Est-ce que vous comprenez? Il était sur le point de le dire, mais il n'a pas dit. Mais à la fin, il vous dit, Quand il verra ça, na suka lo bete pomo na kaya wana. Non pas ces différents groupes et tout ça. Tiens, allez bete na bitongo nenga na mais la glorieuse église de Dieu. Parce que quand j'ai un cambo y a un zambé. Ce n'est plus le groupe de pèlerins. Les allez les sous sept tombo y a les pèlerins de Dieu. Les différents groupes. Non, chers amis. Oui, wana ti. Quand je verrai cette glorieuse église de Dieu. Il y en avait une qui était en route. Je vous ai dit que nous sommes de ces nombres-là. En 1961, nous n'étions pas encore là. Mais Dieu nous avait vu, nous avait connu. Nous devrions venir et toi tu en serais membre. C'est là-bas que tu dirais tes amens. Tu allais soutenir la cause de Christ. Là-bas que tu seras connu chrétien. Loyal et persévérant. Ton tour viendra. La glorieuse église de Dieu. Né par la parole de Dieu. Né des promesses de Dieu. Un groupe né en dénomination. Mais la glorieuse église de Dieu vivant. Qui n'est que par l'action du Saint-Esprit. Rassemblant ses élus. Quand il verra cette glorieuse église qui est rachetée, unie comme une grande unité, je fermerai alors ma bouche. J'arrête la lecture là. Je fermerai alors la Bible. Mission accomplie, alors Seigneur, ton serviteur s'en allait en paix. Que Dieu nous fasse grâce, nous autres. Après que les prophètes sont partis, les Éphésiens doivent atteindre ce but. Vous dites amen. Les prédicateurs de l'évangile. Lourde. Ce n'est pas chacun de faire la promotion de ses doctrines spéciales. Dieu ne nous appelle pas à ça. Loin de là. Pas chacun avec ses doctrines spéciales. Mais nous avons plutôt, que Dieu nous aide ici. Oh là là, je vais lire quelque chose qui va encore nous interpeller. Mon Dieu. Dans les sermons, l'attitude et qui est Dieu? Prêcher le 15 août 1950. Paragraphe 2. Maintenant, les réunions continuent. Et nous sentons nous-mêmes que nous passons un temps glorieux. Vous aussi? C'est un temps glorieux? Autour de la mission de Malachikat. Est-ce glorieux pour vous aussi? Est-ce... Je parlais aux frères ministres aujourd'hui. Nous sommes sortis ce matin pour le petit déjeuner. Ils m'ont sorti et j'étais très heureux de faire personnellement connaissance avec beaucoup de vos excellents ministres des différentes églises. Certains venaient de l'église pentecôtiste. Et d'autres, je crois, des Fousquets. Les mouvements fondamentalistes religieux nés dans le sud de la Californie. Après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autres de l'église de Dieu. Et de l'église missionnaire et fellowship. Et tous ces chers frères là. Tous unis comme un seul homme. C'est ainsi que nous, c'est alors que Dieu peut travailler avec nous. Quand tous se sont unis comme un seul homme. Malgré leur divergence des spécialités. Voyez, et fellowship missionnaire. Oui, missionnaire de ceci. Et bitonga ya kopala misasa. Ils sont là unis comme un seul homme. Mais si la salle est unie, on sera 50. On a toujours la mouille en poste. On va la dernière situation qu'on a lu. Et libosoya. Et frère Brunam dit, c'est ainsi que nous, que c'est alors que Dieu peut travailler avec nous. Quand nous nous rassemblons comme cela, quand les ministres unissent leur cœur, alors ils amènent l'église à l'unité. Vous voyez que la responsabilité repose sur le prédicateur. Frère Branham avait sa tâche en tant que prophète loin de l'esprit d'Élie. Ne pensez pas qu'on est là à venir fabriquer les oignons. Il y a une lourde responsabilité. Celle de former l'unité de nos cœurs, nous les prédicateurs. Pour amener aussi l'église à l'unité. Les prédicateurs sont tellement divergents et opposés. Que deviendra l'église? C'est comme quand Frère Branham illustre. Il dit que les prédicateurs devraient avoir des réunions de prédicateurs. Et traiter des choses profondes de l'évangile. Bataille sengelite bazala na makita na bango ya bataille ipete balobela makambo muzindo ya sangmalamu. Si ce n'est pas le cas. Soki za bongote. Vous trouverez un fidèle qui quitte ici dans l'église de frère Junior Jackson, il entend là-bas, oh, avoir le Saint-Esprit c'est pas indispensable. Bon, mais il va maintenant dans l'église là-bas de Frère Branham. Oh non, mais c'est obligatoire, vous devez le recevoir maintenant. Il sera dans la confusion. Le Branham a dit ici ce qui est monde de mon temps. Oh, il a été éboué. Mon demi moko, abimi wana na église de Junior Jackson. Il dit c'était Moulimou Santou et Zanangol Kamboya, comme on est la pacité, Zanon Tina Pesa Makacité. Alors, nous, on a qu'il y ait pas de Branham, mais le bête, ce que Zanangol te yébete, yo, Zana Isigate. Ici c'est urgent. Ah, oui, là-bas c'est accessoire. Ouais, ici c'est important. Oui, là-bas c'est facile de s'appeler. La confusion. Oui, les prédicateurs doivent se rencontrer, affronter maintenant les arguments là. Et que la vérité triomphe. Mais quand ils ne sont pas d'un commun accord, ils ne sont pas unis les prédicateurs, l'église sera gardée dans la division. Au recommencement, ce n'était pas ça. Êtes-vous là? Prenez même le point sur l'appel au ministère. Des choses qui sont si claires dans le message. Il faut qu'il y ait juste une minorité d'assemblée qui soutienne encore cette vérité-là. Alors que le prophète a crié au effort plusieurs fois. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont fait eux-mêmes prédicateurs. Non, ce n'est pas ça. Alors, quand on dit prédicateurs, mettez-vous ensemble. Bangouana peut être très nombreux. Et quand on doit délibérer, même s'il faut passer ça au boss, hein, vous comprenez la conclusion. La vérité va tomber. Mais c'est ça, malheureusement. Le plus grand nombre ne voudra pas. Ceci, il ne sait pas dire quand et où Dieu l'a appelé. Vous voulez qu'il vote que non, il faut que quelqu'un puisse connaître le jour et l'appel. Non, il votera contre ça. Et vous direz, la majorité des prédicateurs, comme ils sont pour, alors mettons-nous d'accord que ces choses-là, on laisse de côté, que nous marchons comme ça d'un commun accord. Des compromis. Na bongo soki ebele na ba tei oyo. Soki balobi na bango roba na mukolo pe sikanini maloba nini onza balobi akina yo to banda musala lokola azali koyeba yango te soki bosangani la sangana moko te bopona na lika bango soki boleketa na kopona lokola bango bazali mingi na bongo te boyeba yokana na sukete na makambo etali mbela totia nanu musika tozala na bomoko wana lilobokoi. Alors Frère Branham a dit ceci. Si nous les prédicateurs, nous n'amènerons pas l'unité de l'église à Dieu, Dieu lui-même conduira l'église à l'unité. Je suis convaincu de ça. Rien ne peut bloquer Dieu. Ni un groupe d'hommes mal intentionnés qui veulent s'accaparer de l'église pour imposer leurs opinions individuelles et se montrer populaire comme à l'époque de Sédécas. Vous vous souvenez de Sédécas? Vous allez coquiner ça dans prophètes là-bas. Les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal. Basakoli, leader en chef. À quoi ça sert tout ça? Dieu ne l'avait pas envoyé. Mais voilà les gens derrière lui. Il les a formés une unité, mais dans les mensonges. Un même démon opéré en et tout cela pour dire les mêmes mensonges. Élie a été réduit à minorité. Elia, Bakomaki Muki. Michel a été réduit à minorité. Mika, Atikaraka Obele. La question de vérité n'est pas une question de popularité. C'est pas une question de démocratie. C'est une question du royaume de Dieu. La vérité sort de la bouche de Dieu. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui la défend, elle devrait envoyer la vérité de Dieu. C'est ce que les élus les racinés doivent voir. N'attendez pas de nous avoir avec les écuménismes déguisés. Arrêtez, il faut te mettre ici comme un massacrer le bon enfant. Vous venez assassiner la vérité. Je vous disais, lui aussi était là-bas. Regardez la liste de présence, il avait signé. Des risées. Mais il y a ma B. Que Dieu protège ses enfants. Amen. Écoutez, Jésus a eu à prier. Yesu et nous l'avons lu dans Jean 17, n'est-ce pas? Tout en gagnant, on a eu un ensemble. À notre sujet. Qu'est-ce qu'on avait lu? Jean 17, verset 20 à 23. Il a eu à prier. C'est pour cette unité que nous soyons un seul cœur. Une même âme. Il a déjà atteint ça. Au premier âge. Mais cela s'est émulsifié au cours des âges. Mais Dieu a promis de restaurer ça. Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parole de qui? De ses ministres, celui qui lui envoie. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Jean 17, verset 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'elle soit un comme nous sommes un. Amen. Amen. Moi en eux, vous voyez cette unité là, moi en eux, et toi à moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ngai kati na bango, peyo kati na ngai, ete, bako kisama kino, bazala moko, ete bako kilibayeba ete. La prière a été faite par Jésus lui-même. Est-ce que le Père exauce toujours le Fils? Croyez-vous que cette prière sera exaucée? Nous lisons, frère Branham, comment l'unité, le serment appelé l'unité avec Dieu. Ce n'est pas trop l'écuménisme de fabriquer les unités d'apparence pour massacrer la vérité. Notre unité c'est avec Dieu. Et au moyen de sa parole, sa vérité. Si les hommes qui nous prêchent ne parviennent pas à nous amener là-bas, Dieu lui-même nous y fera parvenir. J'ai lu dans la prédication de l'unité, le 11 février 1962. Bien. Paragraphe 17 et 18. Écoutez ceci. Jésus a fait une prière. Dans Jean au chapitre 17, au verset 11, pour vous qui notez les textes de l'école du dimanche. J'en ai beaucoup ce matin. Jean 17, verset 11. Jésus pria afin que l'église et lui soient un. Comme lui et le Père étaient un. Afin que l'Église, nous en tant que membres du corps de Christ, vous ne serez pas la Christ. Voyez, ce n'est pas les différents groupes là. L'Église ici, c'est nous en tant que corps de Christ. L'ensemble des personnes qui ont le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les personnes qui sont scellées du Saint-Esprit. C'est de celles-là, dont il est question ici. Si tu en fais partie ou pas, tu peux le savoir déjà. Et si de cette église-là ou non, mon ami, mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. Si tu sais que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'en fais pas encore partie. Tu ne peux pas pigler et dire, j'en ai quand même, j'en fais partie. Malembe, il faut que ce soit la véritable expérience, comme ils le firent à la Pentecôte. Nous, en tant que membres du corps de Christ, nous soyons un comme lui et le Père sont un. Et ce jour-là, nous saurons qu'il était dans le Père, ou plutôt le Père en lui, et lui en nous, afin que tous nous soyons un. Ce jour-là, nous serons. Regardez le verbe utilisé. Nous serons. Futur. Mikoya. Et ici, c'est, nous sommes en février 62. Après les deux premières citations que nous venons de lire, les 61 et les 50. Voilà. Ici, maintenant, nous allons faire une projection future. Et ce jour-là, nous saurons qu'il était dans le Père. Ou plutôt, le Père en lui. Et lui en nous. Afin que tous nous soyons un. Quelle union. Quelle unité. Cela serait. Voir Dieu dans son église. Jusqu'à ce que chaque membre soit en parfaite harmonie l'un et l'autre. Et avec Dieu. Chaque membre en parfaite harmonie l'un et l'autre. Et avec Dieu. C'est pour cette église que Jésus vient. Le retour de Christ. Nous en parlons. Mais c'est pour cette église, ayant un seul cœur, étant une même âme, ce fut le cas au commencement. Quel défi. En plein âge de l'Odyssée. Dieu le fera. C'est pour cette église que je suis fier. Écoutez, c'est alors que sa prière sera exaucée. Nous serons un. C'est alors que la prière de Jésus sera exaucée. À ce moment-là, nous serons. Nous serons. Ça, c'est en 62. J'espère que vous suivez bien le langage. Et tout le contour utilisé. Pour vous faire saisir une vérité. Ok, la prière du Seigneur sera exaucée. Si les hommes qui nous prêchent ne peuvent pas nous amener à ça, Dieu lui-même le fera pour exaucer la prière de Jésus. Et le seul fondement pour la communion que Dieu ait jamais posé pour lui et son église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. C'est le seul fondement pour la communion. Et le seul moyen par lequel vous pouvez accéder à ce fondement, c'est par une union. Être uni avec lui pour toujours. C'est juste comme lorsque vous vous unissez à votre mari. Quand une femme s'unit à son mari, c'est un feu qui demeure. C'est vrai. Ainsi, quand vous vous unissez donc avec Dieu, c'est pareil à l'église qui est unie à Christ. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ainsi, si vous ne péchez jamais, vous ne faites rien de mal, vous serez éternellement unis à Dieu. Seule la mort peut vous séparer de Dieu. Non pas la mort physique, mais le péché de la mort. Le péché c'est la mort et il vous éloigne de Dieu. Mais être uni à lui dans l'esprit de sa puissance, c'est la vie éternelle. Et vous êtes éternellement uni avec Dieu. Oh, j'aimerais y arriver dans un instant. Être éternellement uni avec le Dieu éternel. Et étant en parfaite harmonie avec lui, l'un et l'autre parfaitement unis. Une église où tous, Dieu et son église, sont un uni. Et c'est pour cette église-là que Jésus viendra. C'est cette église-là que Jésus-Christ enlèvera. Avez-vous remarqué? Avant que le Saint-Esprit soit donné le jour de la Pentecôte, bien qu'ils n'étaient que des simples croyants, mais ils ont réussi à être d'un commun accord. Et après que le Saint-Esprit soit venu, c'était plus que le commun accord. Ils étaient devenus un seul cœur, une même âme. Savez-vous que dans la suite du temps, cette unité s'est affaiblie? Paul n'a-t-il pas dénoncé les divisions chez les Corinthiens? Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4, il déplore que les croyants étaient devenus charnels. L'un pour Paul, l'autre pour Kepha, des divisions. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, mais il y a eu encore des sectes parmi eux. Et Paul dit, mais vous vous rassemblez, au lieu de devenir meilleur, vous commencez à devenir pire. Et donc allé comme ça à des gringolants. Et il a perdu des vertus, des qualités. Paul qui avait dénoncé les divisions. Paolo, le même Paul dévoile le plan secret de Dieu. Paolo, Ephésiens 4, verset 11. À 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Yepa siliko pesa makabu ete bamususu bazala bantoma bamususu basakoli bamususu bapalangani sina sango malamu bamususu babate limpe balakisi pona kobongisa babulami pona mosala na kosungaka pona kotongaka nzoto na Kristo. Verset 13 surtout. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous sommes à nouveau en chemin vers le retour à l'unité. L'unité se perdait, déjà se perdait, mais ne désespérez pas. Et cette structure donne la consolation. Dieu a promis la restauration. Je vous remplacerai toutes les années qu'on est venu. Les différences sont grandes. Et l'Esprit dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Même si la destruction avait commencé. Même si on avait commencé à déplorer. Mais les Éphésiens 4 sont établis. Si les Éphésiens 4 ne parviennent pas, Dieu lui-même exaucera la prière de Jésus. Les hommes peuvent faillir, mais la parole du Seigneur est infaillible. L'unité de la foi se réalisera. Je vous ai dit que personne ne peut détourner le programme de Dieu. Tant que Dieu a résolu, il accomplira totalement. Est-ce que vous voyez le plan merveilleux du Seigneur? L'ennemi secoue un peu, qu'il affaiblisse là-bas, qu'il attaque ici. Ne craignez pas ces épouvantails. Dieu a un plan. Il a un dessein. Et ce dessein s'impose. Personne ne peut l'empêcher. Il doit se réaliser. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Que nous y parviendrons. Surtout que ça a déjà été. Et que l'office qui devait ramener le cœur est déjà passé en fonction. Et il a cédé la place aux Éphésiens maintenant. Et les Éphésiens doivent atteindre l'unité de la foi. Les Éphésiens. Le Dieu a rétabli, il connaissait quand il écrivait ça. Il les avait à l'esprit quand il écrivait ça par rapport. Azomona aliniman na bango, oyo simaya, oyo kuna bisika boye, impai songolo kuna, oyo kozalawa, oyo kuna. Dieu les connaît tous. Bambe ayebi bango banso. Et il les a équipés pour atteindre son but de l'unité. Qui est l'unité de la foi. Et je vous ai déjà dit ici, on ne peut pas parler de l'unité de la foi tant que la foi elle-même était abandonnée. Il fallait d'abord que la foi soit d'abord restaurée. Et l'office qui restaure la foi, c'est la ligne pour l'Église, afin que l'Église atteigne l'unité de la foi. Quel plan merveilleux. Nous soyons tous parvenus. Amen. Oh Dieu est bon. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Parvenir, c'est atteindre. L'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Même si ces ligues nombreuses pour faire des convictions et tirer des conclusions, la vérité de Dieu reste têtue. Par les ruses dans les moyens de séduction. Fouloukambatouana. Libanda. Et c'est pas la banane Michel, il se soutient par Oyo, Bako, Nganaka, Nganaka, Nako, Tenga, Tenga, Epaïna, Epaïna, Mi Pepe, Nyonso, Mate, Mate, Mate, Mate, Mate, Dieu ne nous a pas élus pour la foi conciliable. Zambe a ponabisote on a pour la foi en la vérité. Ainsi, après nous tous, on a connu Mélanie. Le Seigneur doit vous croire la vérité du Seigneur. On ne mélange pas la sacrée de Mélanie, mais il y a pas autre chose. Et là, comme nous sommes tous. Même si ça vient de concile et d'initié et de choses. Et là, tout le monde est en train de se faire. Et qu'on soit ici caté. Amen. Et qu'on soit pété. Bon. Et qu'on dit maman pété. Zamba go sunga biso. Amen. Ataba tu babwa kisi biso, ba sundoli biso, ba tioli biso. Zambe na biso sana bomoi. Amen. Zambe ya Daniel, Zambe ya Shadrach, Meshach na Abednego. Akome mama pona mina ye na bomoko. Kuna na Babylon, bazaka na bomoko wana. Grâce à Dieu. Nous sommes dans un même langage. Pourquoi tu parles dans le quota moko? C'est vrai? Bon. Et Dieu reste bon. Zambe ya kotika la bobele malamu. Mais en professant la vérité dans l'amour. Voilà ce que faisaient les pères apostoliques. Mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croirons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est ce que faisaient les pères apostoliques. C'est ce que doit faire l'église maintenant. Nous devons avoir un cœur plein de consolation. Savoir que Dieu ne te laisse pas sa parole. Dieu ne te laisse pas ses élus. Dieu ne te laisse pas son église. Dieu ne te laisse pas son peuple. Il a promis de marcher lui-même au milieu d'eux. Et il accomplira tout ce qu'il a déclaré. As-tu confiance? Peux-tu regarder à Dieu avec joie? Quand on tourne le visage vers lui, on est rayonnant de joie. Ayez le cœur rempli de consolation. Que mon cœur soit ton cœur, que ton cœur soit mon cœur. Et quand il dit à mon avis, c'est mort. Amen. Zamba, c'est lui, c'est Amen. Amen. Nous devons avoir un seul cœur. C'est vrai que tu as la moitié mamoko. Il faut tous à la moitié mamoko. Tous à la moitié mamoko. Tant que tous au bois qui s'est mité mon mabé awa, tous au tchola yangwa, mité ma go tongana, yako kabwana, yako baby sana, yako bebana. Mité ma go bebana, ibana. Tous à la moitié mamoko. Moko. Amen. Amen. Boyo kanise. Moko. Comme ça, Zambé amona, état d'esprit nabiso. A qui tu s'assicou à Molimo et à l'écolo. Amen. Et Tony Sawa, et Tony Sekoune, et Tony Sawa. Oh, comme c'était à la Pentecôte. Une même boule venue, mais elle se subdivise elle-même pour que chacun ait sa portion. Et c'est moi pour me mettre mon cosme qui s'assit. Et y'en de Kokabona Kakati Nabango Nantine et Moko Namoko, Azoye Yeteni. Dieu peut nous redonner la même expérience. Que Dieu bénisse ceci. Nous nous revoyons demain pour le service d'adoration avec une parole d'exhortation. Shalom Église. Shalom Mobate. Tenons nous debout pour la prière. Sunde Zambe, Amen. Sunde Zambe, Amen. Zambe, Amen. Yes, on the Zambe, yes, on the Zambe, Amen. Oh, Alleluia, Bolo, oh, Amen. Zambe na bamai, Amen. Zambe na bamai, Zambe na bamai, Amen. Zambe na bomo, Amen. Alleluia, Bolo, oh Amen. Oh Zambe na bekamwa, Amen. Zambe na bekamwa, Zambe na bekamwa, Amen. Zambe na bekamwa, Zambe na bekamwa. Oh, Amen. C'est Dieu qui est tout pour nous. Prions chacun. Notre Père Céleste, nous te remercions. Nous t'adorons et élevons ton nom. Ce privilège que tu nous as accordé d'écouter la parole sur tes voix. La façon dont tu ramènes le cœur des enfants que nous sommes à nos pères apostoliques, dans cet âge perverti de l'Odyssée, un âge désespéré, c'est l'âge que tu as choisi pour restaurer la foi, pour rétablir l'état de cœur de croyants, les ramener à ce qu'ils étaient au commencement. Donne à chacun la pleine conviction que ça va totalement se réaliser, l'unité de nos cœurs pour n'avoir qu'un seul cœur, le retour à un commun accord. Seigneur, tu es celui qui produit le vouloir et le faire. Tu l'as déjà fait et tu as promis de le refaire. Notre foi te prend au mot. Que c'est possible et même c'est obligatoire maintenant. Dépouillez-nous de toutes les divergences, de toutes les insolences, de tous les pédants, Et tous les esprits de méchanceté. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la simplicité de croyance. Au commencement là, il prenait les repas avec joie et simplicité de cœur. Donne à chacun de nous la simplicité de cœur. Et tous les caractères compliqués soient effacés. Nous voulons retrouver la simplicité de cœur. Tous animés du même état de cœur. Et que la foi soit restaurée pleinement. L'unité de la foi. Marchant de pair avec l'unité de cœur. Car la foi repose dans les cœurs. Alors que tu avais promis de ramener le cœur des enfants. Ça ne nous étonne pas de voir que tu as prévu en ce même âge l'unité de la foi. Le retour à l'unité de la foi. La fin des divisions. La fin des sectes. La fin de détermination. La fin de credo. Le retour à la proclamation de la vérité dans l'amour. Permet chaque âme de voir cela et de se retrouver dans cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi et pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.